D-O-N-T-C-H-A. Je suis né partant dans pas, tu sais. Dans pas, tu sais. Dans pas, tu sais. 10 heures sur son embryon, améliorer ses angles pour être plus présent dans le sillon. Pour ça j'ai gratté le papier pour pas que les gens disent c'est bof. Tailler mon écriture pour faire partie des boss, car j'étais simple clown partant du néant. Faut passer ce cap petit pour devenir un jour géant. Je veux être grand dans les rappés français, dépater français, gagner l'estime des gars dans pas clair, beurre ou bien foncé. Difficile, les teigneux crieront traître à bord. Je veux rester vrai, aussi remplir mes poches à rabord. Je veux gaspiller le caviar, parler de cash autour d'un buffet, voir des gars souriants me dire donc j'adore ce que tu fais. Pour ça j'ai dû draguer le micro SM57, j'en suis tombé accro. Elle connaît sous toutes ses facettes. J'ai usé le vinyle épuisant ses faces AB. J'ai dealé des rimes consommant l'ensemble de l'alphabet. Hip hop dans l'âme, je vis. Hip hop dans l'esprit. Hip hop dans l'âme, dans l'esprit. Il a pris mon âme, tu sais aussi mon esprit. M'appartient plus, je sais qu'il t'a pris. Hip hop dans l'âme, je vis. Hip hop dans l'esprit. Hip hop dans l'âme, dans l'esprit. Il a pris mon âme, tu sais aussi mon esprit. J'ai trop pensé, j'ai grandi. Aujourd'hui je suis plus mûr. Hip hop dans l'âme, dans l'esprit. Pour toujours ça je te le jure. Mes concurrents, peu importe ce qu'ils font, peu importe où qu'ils aillent, le mic en main fond dans la tête baissée, j'isaille. On juge mal mon phrasé, on crache sur mon look. Je continue le crâne rasé sans changer mon pressbook, ma signature identique. Demain toujours gravé, le D-O-N suivi du T-C-H-A va durer. J'ai dit que je t'emmènerai si un jour je m'envolais. Si demain j'ai des ailes, ça serait bien si je le faisais. Les gens disent mais ne le font pas, l'argent change à naître, être fidèle, ils ne le sont pas, mais font tout pour le paraître. Ils disent tous quand je serai star, je prendrai jamais de blanche. J'en vois ce qui fait des lignes, et même les gars timides changent. Peut-être faut qu'on somme un peu pour faire partie des branches. Et s'il faut se connecter pour y arriver, ben je partirai débranché. Hip hop dans l'âme, je vis. Hip hop dans l'esprit. Hip hop dans l'âme, dans l'esprit. Il a pris mon âme, tu sais aussi mon esprit. Tu m'appartiens plus, je sais qu'il t'a pris. Hip hop dans l'âme, je vis. Hip hop dans l'esprit. Il a pris mon âme, tu sais aussi mon esprit. Mon style a grandi, élevé parmi des MC à Paris. À coups de mic, brandy, style free, c'est comme ça que je l'ai nourri. J'ai jamais cherché un succès sans précédent. Garçon, ce que je veux, c'est pas succès pour être dans un faction. Les mots que je braque, les feront jamais les bras de personne. Seuls les brocheront de la tête quand j'agripperai ce microphone. Trop pressé parfois, je veux des billets, brasser des liasses, préférant des gangbang billets. Des hold-up formats au lieu de me travestir pour un single histoire d'année. T'es ce que je veux que les gens disent, c'est que je suis, non pas que j'étais. Anneau serré, rigide, forme une chaîne, moi et mon pour bâtir une solide plateforme, bien serrées sont les écrous. Les lignes de ma main qui se tracent, mon destin, le mic d'office. Présent dans la masse aussi longtemps que Dieu me prêtera vie, fils. Yo, le D-O-N, le D-O-N suivi du T-C-H-A. Hip hop dans l'âme, je vis. Hip hop dans l'esprit. Hip hop dans l'âme, dans l'esprit. Il a pris mon âme, tu sais aussi mon esprit. Tu m'appartiens plus, je sais qu'il t'a pris. Hip hop dans l'âme, je vis. Hip hop dans l'esprit. Tu sais aussi mon esprit. Tu m'appartiens plus, je sais qu'il t'a pris. Hip hop dans l'âme, je vis. Hip hop dans l'esprit. Hip hop dans l'âme, dans l'esprit. Il a pris mon âme, tu sais aussi mon esprit. Tu m'appartiens plus, je sais qu'il t'a pris. Hip hop dans l'âme, je vis. Hip hop dans l'esprit. Hip hop dans l'âme, dans l'esprit. Il a pris mon âme, tu sais aussi mon esprit.